Ici Richard Hébert, maire de la ville de Dolbeau-Mistassini et convaincu de l'importance du bleuet pour notre milieu. C'est donc avec plaisir que je vous invite à célébrer notre emblématique petit fruit bleu dans le cadre du Festival du bleuet du 29 juillet au 2 août prochain. Bravo à tous ceux qui rendent cet événement rassembleur possible depuis maintenant 55 ans. Quand on veut se payer une bonne bouffe, l'endroit idéal, le restaurant Midas. Les hot dogs, la pizza font le délice de tous. Le restaurant Midas, c'est l'endroit préféré des camionneurs. Menu familial offert, service rapide, personnel et courtois. Restaurant Midas, 1084 route 169 Saint-Félicien, 418-679-0900. Tout le personnel et la direction du restaurant Midas tient à féliciter les organisateurs des régates de Saint-Félicien et invite toute la population à participer aux activités. On va parler de golf avec notre ami Michel Lallemand. Salut Michel! Bon matin, Michel, évidemment, on y a parlé pour le bulletin de sport local hier. Pierre, on va parler, évidemment, on va commencer avec votre leader du club, Pierre-Alexandre Bédard. Troisième au championnat provincial amateur. Bon, ce qui, évidemment, lui donne un laissez-passer pour le championnat canadien. Il était quand même content, mais à quelque part, on peut dire, sans se tromper, que c'est la ronde de mardi qui a fait mal. Hein? C'est sûr que c'est la ronde de mardi parce que il nous comptait que vendredi, il a probablement joué sa meilleure ronde à vie. Ouais. Il avait pris 17 des 18 verres en régulation. Okay. Il a fini avec moins 5. Puis il dit que le moindre mec qui avait été chanceux un petit peu avec son potard, il aurait une ronde de moins 8, moins 9. Donc, il était parti en force. La deuxième journée était un petit peu plus difficile. Mais écoute, là, troisième au championnat amateur, fini troisième à l'ordre du mérite. Ouais. Donc, encore une fois, pour une deuxième année, dont sa deuxième éligible, a représenté le Québec au championnat amateur à Toronto. Oui, effectivement. Donc, penses-tu qu'au Canada, penses-tu qu'il y a des chances de bien figurer sûrement? Hein? Moi, je pense que, Pierre, il y a deux gros avantages. Okay. Un, c'est un excellent golfeur. Puis deux, c'est un super de bon bonhomme. Ouais. Avec une bonne tête sur ses épaules. Une bonne famille, bien encadrée. Il a tous les atouts, mais c'est sûr que dans le golf, là, on le voit, il n'en perce pas beaucoup, mais il a les atouts. Si, comme on dit, si les astres veulent s'aligner, là, et on pourrait le voir éventuellement. Ah, écoute. Et on lui souhaite, d'ailleurs. Écoute, au retour de mes vacances, puisqu'il y a quand même pas mal de stock, je veux parler avec son père, voir c'est quoi la structure qu'il entend faire éventuellement, parce que là, on est rendu dans un autre monde. Là. Ça, si le gars veut aller aux États-Unis un peu à l'image de Kevin, je pense que là, je veux savoir un peu où ce qu'il s'en va avec ça. Après mes vacances, on va rejoindre Daniel Bédard à Chicago. Coupe des champions en fin de semaine, c'était la dernière tranche. Oui. C'est ça, c'est la grande finale. Non, mais on va revenir sur la semaine passée, si tu permets. Donc, donne-moi les résultats généraux. Parlez dans le sport local, là, mais on va revenir sur ce qui s'est passé la semaine passée avant. La semaine passée, en classe A, Serge Drolette avec 77. Ouais. En classe 2B, Denis Desgagnés, 78. Puis en classe B, Guillaume avec 85. OK, OK. Donc, vont faire partie de la finale, donc, avec les trois autres gagnants de chacune des trois premières étapes. C'est samedi matin à 9h, la grande finale. OK. Ça, c'est les trois gagnants qui vont se prendre ensemble, c'est ça? Les quatre gagnants vont être de chacune des quatre étapes. OK, OK. Y a-t-il d'autres choses à mentionner? Peut-être, évidemment, c'est les vacances. Ben, cette semaine, chez nous, c'est la grosse fin de semaine et semaine de golf. Oui. 18 équipes de 5 joueurs, 90 personnes qui vont participer à notre Super Calcutta. Donc, c'est toute la semaine, doivent jouer trois parties de notre roue. Et samedi prochain, tout le monde va jouer pour la dernière partie. Ouais, c'est clair. Michel, la semaine prochaine, je vais être en vacances, fait qu'il n'y aura pas de chronique de retour, possiblement dans deux semaines. En tout cas, on va se recontacter pour refaire les chroniques. Donc, la semaine prochaine, on va faire relâche. Bon, ben, bonnes vacances à toi pour plaisir. Merci beaucoup. Donc, le directeur général du club de golf de Chicoutimi, Michel